La clôture de l'exposition des matériaux de construction de finissage pour l'aménagement de l'arrondissement de Samdion a eu lieu le 31 mars au Palais des sciences et techniques en présence de Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, des cadres du cabinet ministériel du secteur intéressé et des unités d'activité exposantes, des hommes scientifiques, des techniciens, des professeurs et des membres des groupes de promotion des Trois Révolutions. À la suite de la publication du résultat de l'examen, le Grand Prix et l'Excellent Prix sont conférés à 75 unités d'activité, les prix individuels à 146 personnes, le diplôme des réalisations scientifiques et techniques à 7 personnes, le certificat d'invention à 19 personnes et le diplôme des produits de février à 12 articles. Choi Ryong-hae a prononcé l'allocution de clôture.